Le roi des taudis. Les charnières rouillées éclatèrent d'un seul coup de pied, renvoyant des éclisses de bois pourri dans tous les sens. Arrachée de ses pentures, la porte sombra dans un vacarme violent. Cernée par la lumière anémique du corridor désaffecté, trois ombres firent irruption dans le salon, entièrement vêtues de tissus noirs rapiécés. Leurs bottes foulèrent le tapis moisi d'un pas décidé, des regards confiants luisant entre capuchons et foulards de jais. Une odeur de sueur rancie régnait dans l'appartement. Des coquerelles filaient dans les coins pour fuir la lumière. Sur des matelas poisseux et infestés de punaises, gisaient pêle-mêle une douzaine de junkies, certains geignant, se recroquevillant instinctivement. L'un d'eux, la seringue encore au bras, réussit à ouvrir les yeux. Il roula lâchement sur le plancher, le tâtant à l'aveuglette, s'étirant vers un calibre 38 chromé qui gisait sous une chaussette jaunie. Sur le revers de sa main, on pouvait apercevoir le tatouage, la marque, la couronne du roi des taudis. C'est alors que Nilsson s'avança résolument et pointa son Makarov. La déflagration du museau illumina la pièce, le tonnerre assourdissant l'espace d'une seconde seulement. « Par ici !» dit Nilsson aux autres, fébrile. Hans et Svet acquiescèrent et la suivirent à travers le salon, écrasant ampoules et inhalateurs de V sur le chemin. Au passage, Svet récupéra le revolver éclaboussé de sang et de morceaux de cervelle. Le trio s'engouffra dans un corridor où les murs étaient truffés de champignons, une nuée noire pour les accueillir dans le repaire de O'Regan. À l'autre bout, Mo criait une voix hystérique. « Jesus fucking Christ !» Les ombres surgirent dans la cuisine. Une craque béante fissurait le mur du fond et un gigantesque trou avait été pioché de l'autre côté, laissant paraître la cuisine d'un autre appartement. Sous un tube fluorescent, un dealer en short de nylon essayait de charger une carabine tronçonnée. Sa moustache était blanche de poudre et ses mains tremblotaient. Une à une, les douilles lui filaient entre les doigts. Hans serra la mâchoire et pressa la gâchette. Une fois, deux fois, le pistolet lui tordant les os du poignet. Retenant son souffle, il courut par-dessus la dépouille sanglante, ferma les yeux et fit feu une troisième fois. Svet ramassa l'arme et les douilles. Nilsson ouvrait toujours la voie, fonçant à travers le trou pour joindre l'autre appartement. Les autres suivirent, arrachant des morceaux de plâtre au passage, leurs épaules noires couvertes de talc. Là, des centipèdes déguerpissaient dans tous les sens. Quelque part au loin, des pneus crissaient sur le pavé. Anne se réjouit lorsqu'ils débouchèrent finalement sur le balcon du quatrième étage, une bouffée d'air nocturne les accueillant. Le ciel noir tournait au pourpre, signalant l'aube. Plus bas, les flammes de cocktails Molotov léchaient la brique. Des coups de feu résonnaient dans la ruelle, la cellule d'X et Ruby qui distrayait la petite armée de Caïd de O'Regan. Les mains de Hans se tremblaient, son estomac se tordait. Il avait la nausée. Mais déjà Nilsson fonçait, pratiquement possédé, se hissant sur les rebords du balcon pour sauter, de toutes ses forces, sur un balcon adjacent. Svet la suivit, chargeant la carabine tronçonnée avant de plonger. « Allez !» murmura-t-elle. Hans déglutit péniblement, secoua la tête et la suivit. Il se jeta sur les remparts de l'autre balcon, quatre étages de vertige s'étirant sous sa silhouette ténébreuse, pour aller s'abattre contre les barreaux, le souffle coupé. Nilsson et Svet étaient en train de défoncer un climatiseur rouillé. Le contreplaqué l'enchâssant était boursouflé par l'humidité et céda sans résistance. La fenêtre fut arrachée en entier, s'écroulant sous son propre poids pour être avalée dans l'obscurité de l'appartement. Nilsson sauta la tête première dans l'ouverture, succédé par Svet, qui se bascula les fesses maladroitement. De son côté, Hans se balança sur le châssis et réussit à retomber sur ses jambes. L'instant d'un battement de cils. Une chambre à coucher, un tapis à longs poils roses, l'odeur écœurante de parfums bon marché et de plaies infectées, un lit d'eau en forme de cœur, une base en métal à laquelle étaient attachées deux jeunes femmes, nues, le visage couvert de mèches collantes. Leurs poignets étaient enflés et cernés de sang séché. On pouvait distinguer le tatouage en forme de couronne, frais fait. Un flash de lumière, un coup de tonnerre. O'Regan était là, en caleçon lâche et sale, pressé contre le mur de la chambre qu'il essayait de défoncer à poings nus. Des morceaux de gypse concassés à ses pieds. Des chaînes dorées luisaient de sueur dans son cou. Le visage de Jésus souriait à la grandeur de son dos. Figure tatouée, un trou de balle entre les yeux de l'icône, le sang, réel, coulant à profusion. Le roi des taudis sortit du mur un fusil à pompe plaqué or, le saisit entre ses doigts graisseux, tituba. Nielsen gémit, fit feu à nouveau, l'atteint à la cuisse. L'ogre échappa son arme, s'effondra comme une montagne. Mais au lieu de l'achever, Nielsen rengaina son Makarov, saisit sa proie par les pieds, la retourna péniblement sur le dos, puis traîna l'épave sur le tapis à poils longs. Pendant ce temps, les deux captives jetaient sur la scène des regards furtifs, mêlés de larmes, se pressaient l'une contre l'autre, les lèvres craquelées. « Hans, les sacs !» lança Svet, en s'empressant de libérer les deux esclaves. « Tac !» répondit l'autre, enjambant la flaque de sang pour aller repêcher les objets dissimulés entre les murs. Il en sortit aussitôt des liasses d'argent, des chemises par balles, des sacs de pilules et de médicaments, ainsi que tout un arsenal, des MC-10, des carabines automatiques Striker, des AK à double chargeur, et des balles, caisse après caisse. « Est-ce que tu me reconnais, mon gros tabarnak ?» demanda Nielsen en rabaissant son foulard, trônant sur la masse luisante de O'Regan. Ce dernier crachait de longues coulisses noires, la tête oscillant frénétiquement de gauche à droite. Un gargouillis horrible s'échappait de ses poumons. Nielsen enfila patiemment ses poings américains, un à un. Sur la peau pâle d'une main, on pouvait remarquer l'épaisse cicatrice, là où figurait, autrefois, le tatouage en forme de couronne. Sa voix tremblait lorsqu'elle répéta « Vraiment? Tu me reconnais pas? » Elle s'agenouilla sur lui, s'assit sur le ventre du roi des taudis, lui arrachant un cri déchirant sous son poids. « Après tout ce que tu m'as fait! » insista-t-elle, la gorge nouée par la rage. C'est à ce moment que son poing descendit, propulsé par une haine sans nom. Le métal s'écrasant carrément contre la tempe de l'homme. Ce que tu m'as fait! Vociféra Nielsen, sa voix s'étirant en râlement rauque. Hors de contrôle, Nielsen frappa, et frappa encore, les coups en rafale comme des pistons huilés par le sang, concassant la sculpture pâteuse d'un visage. Malgré la ruée, les yeux grands ouverts de O'Regan la fixaient obstinément. Ses iris délavés par l'alcool, lorgnant toujours vers le haut avec une insistance abrutissante. Nielsen gémit et s'abattit sur lui de toutes ses forces avec un crochet d'acier, les coups se succédant jusqu'à ce que même les orbes gélatineux éclatent et qu'il ne reste plus rien du regard perfide.